Nyangi. Bonjour, auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grandes articulations. Sit-in ce mercredi de certains des habitants et propriétaires de parcelles dans les environs du centre d'épuration des eaux usées de Buterere devant les bureaux de l'ombudsman burundais. C'est dans un conflit des opposants au gouvernement burundais. Dans ce journal, nous parlerons hygiène au marché d'Okinama, en mairie de Bujumbura, une localité déjà touchée par le choléra. Dans la chronique éducation de ce mercredi, il sera question de l'apprentissage d'un élève nécessitant le matériel didactique. Et le reportage du jour nous conduira au site des déplacés de Ruhororo en province Ngozi pour parler de cette femme ayant le diplôme d'enseignant mais faisant le métier de tailleur. La mise en onde est assurée par Aimé Toussaint Mitebouti. Rebonjour et bienvenue. La radio de l'avenir. Rebonjour. Certains habitants des quartiers Buterere, Kinyankonge et Ngagara, résidant près du centre d'épuration des eaux usées de Buterere, ont observé ce mercredi un sit-in devant le bureau de l'ombudsman burundais. Ils indiquent être venus pour solliciter une main forte de l'ombudsman dans le conflit qui les oppose au gouvernement, qui leur a intimé l'ordre de détruire leurs maisons construites dans des parcelles leur attribuées par les services de l'urbanisme, disaient-ils, à défaut de rester à cet endroit. Et demande que de nouvelles parcelles leur soient attribuées. Les détails avec Evariste Nzikobanyanga. À plus de 50, constitués de jeunes et adultes, ces personnes indiquent qu'ils demandent à l'ombudsman Edouard Duimana de leur venir en aide pour trouver une solution à un différend qui les oppose au gouvernement afin que ce dernier revienne à sa décision de les expulser de l'endroit où ils ont construit leur maison d'habitation, indique un de ces mécontents. Nous avons été informés que le terrain que nous l'occupons irrégulièrement, ce qui est totalement incompréhensible dans la mesure où c'est le gouvernement lui-même qui nous a octroyé ce terrain. Il est inconcevable que les services de l'urbanisme qui sont en charge de gérer les propriétés dans toute la mairie de Bujumbura ou même peut-être à l'intérieur du pays puissent octroyer un terrain qui est déjà occupé par d'autres bénéficiaires ou d'autres services de l'État. Comment est-ce que cela serait possible que les services de l'urbanisme ne sachent pas la propriété qui appartient aux services techniques municipaux? Cela nous paraît inimaginable. Nous sommes donc venus ici pour solliciter l'ombudsman burundais pour qu'il nous aide à nous réconcilier avec les services de l'État qui veulent détruire nos maisons, cela dans le non-respect total des procédures. Les uns disent qu'ils ne sont pas prêts à quitter cet endroit, arguant qu'il y a d'autres résidents des quartiers qui sont autour du centre d'épuration de Buterere, mais qui ne sont pas inquiétés. À défaut, ils nous demandent que l'attribution d'autres parcelles ainsi que des indemnisations. Les services de l'État devraient respecter la procédure, préalablement nous indemniser à sa juste valeur, et secondairement, nous montrer là où il faut aller. Mais actuellement, à l'allure que nous observons ces derniers jours, cela nous inquiète beaucoup. Les conseillers du bureau de l'ombudsman ont pu rencontrer la délégation de ces personnes qui ont observé ce sit-in. Mais Jérémy Kekenoa, un des conseillers d'Edouard Nduimana, a indiqué à la presse que sa réaction pourra avoir lieu la semaine prochaine après son retour de la mission de travail. Cette mesure de destruction des maisons à Buterere concerne 220 ménages. Évariste Nzikobanyanga, page sécurité de ce journal. Les policiers ont le droit de se défendre s'ils sont attaqués en mission de travail. Cela est dit par le porte-parole du ministère de la Sécurité publique suite à l'assassinat par balle d'un taxi-vélo de la part d'un agent de la police ce mardi. Pierre Nguriquier précise que la victime faisait partie d'une bande qui se révoltait contre trois policiers qui venaient de saisir des vélos sur l'avenue Muyinga en commune Mukaza. Suivez Pierre Nguriquier, porte-parole du ministère burundais de la Sécurité publique. Le 5 février, ici à mairie de Bujumbura, à Rohero, près du bureau de la zone Rohero, il y a eu un cas de mort des conducteurs de vélo qui a été touché par une balle sortie de l'arme du policier. Un groupe de trois policiers avait été envoyé dans une mission d'interdire tous les vélos d'accéder au périmètre interdit. Quand les policiers ont saisi le premier vélo, le conducteur de ce vélo a appelé à notre groupe qui était dans les alentours, visiblement pour s'attaquer aux policiers. Ils sont venus en nombre, ils ont commencé à jeter des pièces sur les policiers, blessant à la tête un brigadier de police, BPP Ndoui Manatade. Au moment où ils allaient s'attaquer à un autre policier pour lui arracher son arme, par mégarde, une balle est sortie et a fait mouche sur un certain Ndayishimiye Jonas. Et la police a alors continué à faire cesser son mouvement en appréhendant certains des meneurs de ce groupe qui sont maintenant sous interrogatoire. Au niveau de l'enquête, les auteurs de ce soulèvement, entre guillemets, de ces conducteurs de vélo, il y en a qui ont été appréhendés. Et le policier également, qui avait l'arme, a été appréhendé. Lui aussi. Et l'enquête va se dérouler à charge et à décharge. Et après la fin de l'enquête, le dossier va être transmis au parquet et puis à la justice et suivra le procédure normale. Ce n'est pas à la police de dire qu'elle est innocente ou pas. Seul le juge peut innocenter ou alors condamner les présumés auteurs des infractions. Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère burundais de la Sécurité publique, au micro de Placide Niyomwungere. Poursuivons ce journal à 13h02 dans le studio de la radio Isanganiro. Le Sénat burundais siégeant dans la nouvelle capitale politique de Gitega approuvé ce mercredi deux nominations. Il s'agit du CPP Rucek Melkiad Tutsi, nommé inspecteur général de la police, et CPP Manirambona Christophe Outour, nommé comme adjoint des noms plutôt présentés par Alain Guillaume Bougnoni, ministre burundais de la Sécurité publique. Restons en province Gitega. Pour parler de la facilité juridique africaine, le Centre des ressources naturelles, qui sont quelques-uns des instruments dont dispose la Banque africaine de développement pour accompagner le Burundi dans la gestion des contrats des minerais. Des précisions du chef de la délégation de cette Banque africaine de développement au sortir d'une audience ce mercredi à Gitega avec le président du Sénat burundais. Obama Nlonga a en outre souligné que des préoccupations, notamment le plan directeur de la nouvelle capitale politique qui n'est pas encore au point, ont été discutées. Je vous prie de le suivre. Je pourrais peut-être revenir sur deux aspects. Le premier étant l'importance des mines. Le président de la République nous a fait comprendre qu'on nous avait toujours dit que le pays était pauvre, alors qu'en fait, c'est un bassin minier important. Et là, le président du Sénat a touché du doigt d'être regardant, d'apporter notre appui pour ce qui est, n'est-ce pas, de la gestion des mines dans le pays. Pour notre part, nous avions deux instruments à la banque qui puissent peut-être apporter un concours certain. Il y a la facilité juridique africaine qui peut accompagner le Burundi, n'est-ce pas, dans l'élaboration, dans la gestion des contrats. Il y a également le centre de ressources naturelles que nous avions qui peut aussi, bien évidemment, apporter du concours dans la gestion optimale, n'est-ce pas, des mines, de manière à ce que ces mines puissent apporter une contribution au niveau du budget de l'État. Il nous a parlé d'un problème qui lui tient à cœur aussi, c'est l'ancienne capitale qui redevient nouvelle capitale. Donc Gitega est devenue la nouvelle capitale du pays. Et là-dessus, nous avions rencontré le gouverneur hier et on est revenu sur un certain nombre de choses, donc les infrastructures routières, donc bien évidemment un plan directeur d'urbanisation qui n'est pas encore au point, il y a des problèmes d'eau qui se posent, les routes qui sont assez étroites. Donc toutes ces préoccupations ont été bien évidemment discutées entre nous et le président du Sénat. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h04 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal. Des agents gardant les bâtiments dits Camping Lodge au cœur du parc de la Ruvubu réclament des arriérés de salaire de plus de 40 mois. Le responsable du parc indique que les doléances de ses employés sont adressées à l'Office du tourisme, propriétaire des bâtiments non fonctionnels 6 ans après le début des travaux de construction. Les précisions de Dieudonné Nzeimana depuis Muyinga. Au cœur de la forêt, à 1 kilomètre de la rivière Ruvubu, des bâtiments à usage récréatif y sont érigés. Au camping lodge, C'est pour les visiteurs, mais ici, seuls les veilleurs y sont visibles de jour comme de nuit. Nous menons une bataille permanente contre des ennemis de tous ordres, déclare Virgin Nkurunziza, un des gardiens. Soit on se bat contre les animaux, tels les singes, soit c'est contre les braconniers prêts à incendier ces bâtiments construits depuis 2013. Ces veilleurs, bien qu'au service de l'État, ont perçu leur dernier salaire en 2016. Ils continuent à garder ces bâtiments malgré les dures conditions de travail, espérant le dénouement du problème. Différentes autorités qui ont visité l'endroit ont promis une issue favorable. La promesse tarde à être concrétisée. Marc Alindinwali, responsable des parcs pour le compte de l'Office burundais de protection de l'environnement, OBPE, indique que ces bâtiments appartiennent à l'Office national du tourisme, signataire d'une convention avec l'OBPE. Côté gardien, cette question devrait être vidée car c'est aussi l'État qui perd pour ces infrastructures non fonctionnelles alors qu'elles ont une valeur estimée à 400 millions de nos francs. Domuyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Et Domuyinga, revenons à mairie de Bujumbura pour parler hygiène. Un tas d'ordures s'observe à l'intérieur du marché d'Okinama, de la zone Okinama, mairie de Bujumbura. Certaines personnes exerçant leur métier aux environs de cet endroit s'inquiètent pour leur santé. Au moment où la zone Okinama est déjà touchée par le choléra, ils ajoutent plutôt qu'ils payent régulièrement les frais d'hygiène. Les précisions de Vestine Woutoy. Tout autour de cette montagne d'ordures se trouvant à l'intérieur de son marché, se fait le petit commerce, comme celui de vendre des condiments. À titre d'exemple, du piment, des oignons, de vendre des fruits et des tissus. Il y a également un kiosque dans lequel s'exerce le métier de couture qui a la porte donnant accès à cette montagne d'ordures. En outre, cet endroit s'est déguisé en lieu d'aisance, car on y voit certaines personnes qui s'y soulagent. Hors micro, certaines personnes faisant leur commerce dans ce marché disent que même si ces immondices sont là, ils ne cessent pas de payer les frais d'hygiène. Et cette femme vendeuse du piment près de cet endroit craint d'attraper les maladies d'un mensal. Car, dit-elle, les mouches qui sillonnent tout autour touchent leurs marchandises. Elle ajoute qu'après la tombée de la pluie, elle se retrouve dans une insécurité totale parce qu'une odeur nauséabonde se propage partout. Elle affirme que ceux qui exercent leur métier à cet endroit sont contraints d'y rester car ils n'ont nulle part où aller. Même s'ils ne savent pas quand ils déménageront vers le marché en cours de construction, ils demandent aux autorités habilitées de leur venir en aide dans les meilleurs délais. C'est au moment où l'épidémie de choléra a déjà touché cette zone d'Okinama. Le commissaire de ce marché n'a pas voulu s'exprimer à ce propos, expliquant qu'il n'a pas l'autorisation du chargé de la communication en sede de la mairie de Bujumbura. Vestine Woutoy, parlons sport. Avant de suivre le reportage du jour, l'équipe burundaise des moins de 20 ans en football a égalisé hier 3 buts partout avec le Niger dans les compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Niger dans le match d'ouverture officielle de cette compétition. La sélection burundaise s'est inclinée par un score de 2-0 face à la formation Super Eagles du Nigeria dans la dernière rencontre. Les Hirondelles croiseront le fer avec Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Dans le pool A, le Burundi occupe la dernière position avec un point au moment où le Nigeria vient en tête avec 4 points suivi par le pays organisateur Niger avec 2 points. À la source, reportage. Le reportage du jour, Léonce Vitario nous parle d'une femme du site des déplacés de Ruhororo en province de Ngozi qui a eu l'idée de faire le métier de tailleur ayant constaté qu'il lui est impossible d'être embauché par l'État. Dorothée Nambeba a assuré un diplôme de niveau secondaire et se dit satisfaite actuellement de la manière dont elle contribue à la vie de sa famille auprès de son mari. Au sein de l'administration, on appelle ses personne à se travailler, à se regrouper en association. Notre reporter du jour, c'est Léonce Vitario. Dorothée Nambeba a terminé le lycée pédagogique en 2013, mais n'a pas pu être embauchée ni par l'État ni par un privé. Elle a eu l'idée de faire la couture en 2017 après 3 ans de mariage. Actuellement, Il se réjouit de pouvoir contribuer dans la vie au quotidien de sa famille, aux côtés de son mari. Maintenant ça va, parce qu'avec son métier, je peux par exemple acheter des engrais ou engager des travailleurs dans les champs. Je ne manque plus d'argent. Même les enfants vont à l'école. Dorothée Nambeba n'a pas de regret aujourd'hui de n'avoir pas été embauchée comme enseignante. Elle estime que ce qu'elle fait, c'est mieux. Avec son métier de tailleur, je ne me plains pas. Je peux gagner facilement 10 000 francs par jour, au minimum 8 000 francs. Après un mois, si je n'ai pas eu d'imprévu, je gagne plus de 100 000 francs. Un des voisins de Dorothée, Joseph Gahungu, apprécie le projet de cette femme, surtout qu'il n'est pas aussi facile d'avoir du travail au niveau de la fonction publique. Dans la vie actuelle de notre pays et de l'entourage, nous voyons qu'il est difficile d'avoir de l'emploi. Si je vois les activités de Nambeba, c'est une activité qu'on peut apprécier, que tout le monde peut apprécier. Le mari de Nambeba est un enseignant au niveau du secondaire. Agriculteur moderne aussi. Léonidas Nyonzima témoigne qu'il s'entraide parfaitement avec sa femme pour le bien commun de la famille. Dans ses activités quotidiennes, élevant à son métier, sa contribution aide la famille, par exemple, à acheter des engrais chimiques. On peut aussi acheter un chat pour étendre notre propriété. Par exemple, dans le profit de ses activités, elle a amené une somme de 500 000 et nous avons acheté un petit chat pour étendre notre propriété. Dans cette partie, on y pratique l'agriculture et ça marche bien. De son côté, l'administrateur communal de Ruhororo appelle les gens qui ont de tels projets à travailler en association. Cela apporte une valeur ajoutée selon ma mère Tebilukundi. Puisqu'il a commencé son métier, je la conseille d'appeler d'autres et de continuer ce travail, mais en association, ça serait bon. À l'état actuel des choses, Dorothée Nambeba affirme qu'elle est capable d'apprendre aux autres le métier de tailleur. Tout ce qu'elle souhaite, c'est d'avoir une deuxième machine à coudre, ce qui l'aiderait à faire un bon pas en avant dans son métier. Radio Isanganiro, chronique éducation. Le matériel didactique est indispensable pendant l'apprentissage d'un élève parce que ses leçons restent gravées dans sa mémoire. Les explications sont de Longin Bigrimana, professeur d'université, expert en conception du matériel didactique. Cet expert plaide pour la multiplication de ce matériel pour être distribué dans tous les coins par son importance dans l'acquisition de connaissances à l'élève. La chronique éducation de ce mercredi nous est préparée et présentée par Eline Bell Nibigira. Par matériel didactique, on entend tout matériel réunissant les moyens et les ressources qui facilitent l'enseignement et l'apprentissage. Ce genre de matériel est très utilisé dans le cadre éducatif afin de faciliter l'acquisition de concepts, d'habiletés, d'attitudes et de dextérité, comme expliqué par le professeur d'université et l'expert en conception, fabrication et manipulation du matériel didactique. Cette fabrication de matériel didactique vient du fait que les laboratoires que nous disposons ici au Burundi ne sont pas complets. Nous avons des locaux uniquement, mais à l'intérieur, le matériel n'y est pas. Alors, on ne peut pas laisser les enfants comme ça. S'ils ont fait la théorie en classe, il faut qu'ils pratiquent. Donc, si c'est pour moi, c'est la physique. Alors, c'est la physique, il faut que ce soit expérimenté. Mais c'est la chimie, là aussi, il faut des manipulations. Alors, les manipulations se font au laboratoire. Alors, les laboratoires que nous avons n'ont pas de matériel. Mais quel est ce matériel? Ici, le professeur d'université donne l'exemple du matériel didactique utilisé dans les cours comme la physique et autres. On avait du matériel préfabriqué, ça veut dire du matériel importé. Alors ce matériel importé, maintenant, vient à compte-gouttes. Alors à compte-gouttes, si c'est à compte-gouttes, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'écoles qui n'en disposent pas. Nous avons pensé à ce qu'on peut fabriquer quelques matériels en se basant sur les expériences qui sont décrites dans le livre des sciences et technologies de l'école fondamentale. Alors, toutes ces expériences-là sont décrites, bien décrites. Si vous voulez bien, il y a beaucoup de schémas corrects, très jolis, mais les enfants ne passent pas l'expérimentation. Alors, on décrit l'expérience comme ça et on laisse. Mais non, on explique l'expérience et on passe maintenant à la manipulation ou à la fabrication du matériel dont nous avons besoin, dont les enfants ont besoin. Lorsqu'un élève met en pratique lui-même ce qu'il a appris, comprend facilement ses leçons, comme confirmé par Longin Bigrimana, professeur d'université et expert en conception du matériel didactique. Il y a un avantage, bien sûr, quand ils ont plus la théorie seulement et qu'ils entrent à la maison sans savoir ce qui se représente quoi. Dans cette expérience-là, on parle du matériel. Alors, le matériel, c'est quoi le matériel? De ce matériel, où est-ce qu'il est? Il est comment? Ça ressemble à quoi? Maintenant, quand il passe maintenant à la manipulation ou à la fabrication, il se rendra compte que cette fois-ci, voilà, donc l'élément que nous en parlerait est bel et bien celui-ci. Ça ne quitterait pas sa tête. Quand l'élève manque de matériel didactique, cela constitue une perte, raison pour laquelle il conseille les apprenants à s'habituer à l'utilisation du matériel didactique et appelle les organes concernés à étendre son matériel. Merci à Eli Nibel Nibigira. Ainsi s'achève cette édition à 13h15 dans les studios de la radio Isanganiro. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.